Exercice 12, page 105. Si tu veux, je connais quelqu'un qui pourra nous avoir les enregistrements du répondeur de Le Prince. Bien sûr que ça m'intéresse, répond Oscar. Mais il faudra attendre demain et donner à mon ami un billet de 100 euros.